Mercredi, le 20 juin, il est 12h30. Ici Dominique Lelièvre et vos informations. D'abord, la ville de Québec demeure l'un des endroits les plus sécuritaires au pays, selon Statistique Canada. Un rapport dévoilé aujourd'hui place la ville de Québec au second rang pour son taux de criminalité, avec près de 3000 crimes déclarés par 100 000 habitants. Seule la ville de Toronto fait mieux, à près de 2900 crimes par 100 000 habitants. Et au chapitre des crimes graves, Québec fait encore mieux. Elle est de loin la ville la plus sécuritaire. Mentionnons qu'à l'échelle du pays, les crimes ont progressé de 5 % en un an, mais ils ont diminué de 3 % au Québec sur la même période. Scène régionale, on connaît finalement les détails de l'entente survenue entre la coopérative de solidarité SABSA et le ministre de la Santé Gaétan Barrette. La clinique du quartier Saint-Roch va obtenir le soutien du CIUS de la capitale nationale. Elle pourra conserver son volet coopératif. Le CIUS va subventionner donc une partie des services professionnels et l'achat de fournitures pour dispenser les soins. SABSA estime qu'elle pourra ainsi économiser entre 100 et 200 000 $ par année. SABSA qui devra tout de même assumer une part importante de son financement, dont l'embauche de ressources humaines et la portion administrative. Un montage financier qui sera durable reste encore à trouver. Et c'est en tout cas un dénouement heureux pour la coopérative qui a failli fermer ses portes, rappelons-le. Fin juin, heureusement, un donateur anonyme venait changer la donne en remettant la somme de 130 000 $ pour assurer la survie de SABSA. Enfin, la délégation russe sera-t-elle bannie des Jeux olympiques de Rio? Le Comité international olympique n'a pas rendu de décision, mais c'est en tout cas le souhait de certains athlètes de Québec. Dans un reportage de Radio-Canada, le coureur de Sillery, Charles-Philibert Thibouteau, croit que les agissements des Russes sont impardonnables et justifient leur exclusion cette année aux Jeux olympiques. Une opinion que partage le patineur de vitesse Laurent Dubreuil, qui préconise lui aussi des mesures drastiques. De son côté, le fondeur Alex Harvey croit que cette situation exceptionnelle requiert des sanctions exceptionnelles. Rappelons qu'un rapport commandé par l'Agence mondiale antidopage a révélé un système de dopage d'État en Russie lors des Jeux de Sochi et le Comité international n'a toujours pas rendu de décision finale quant au bannissement ou non de la délégation russe. Et c'est ce qui complète ce point sur l'actualité. Retrouvez plus d'informations sur notre site web ckrl.qc.ca.